être chanteur des chansons, sémaphore vers toi qui ne comprenait pas. Nous devions nous retrouver au port. Allez va, l'amour attendra. T'as bien raison, mon vieux Léo. Avec le temps, tout s'en va. Écoute, si tu m'entends là-haut, surtout ne prends pas froid. La lune se fait putain du soleil pour lui voler sa lumière. Astre sans joie qui sans sommeil, tu n'es plus de celle qu'on espère. T'as bien raison, mon vieux. Y'avait vraiment pas de quoi. T'as bien raison, mon vieux Léo. Seul, mais loin de ces gens-là. Il ne reste que très peu d'oiseaux pour pouvoir nous raconter les nus capteurs des chants nouveaux qu'il nous faudra façonner. T'as bien raison, mon vieux Léo. Avec le temps, tout s'en va. T'as bien raison, mon vieux Léo. Avec le temps, etc.